Après un mois de séjour, Chausserouge donna sa représentation d'adieu, et sur l'avis que Baldini lui envoya, l'informant que la publicité était faite, il partit pour la Lombardie. Une déception terrible l'attendait. Au lieu de rencontrer, comme il s'y attendait, son impresario, à la porte de la ville, il tomba dans une cité, où non seulement sa venue n'était point préparée, mais où son nom était même inconnu. Pas une affiche sur les murailles, nulle curiosité de la part des habitants. De l'étonnement seulement à la vue de ce matériel imposant, débarquant on ne savait d'où, arrivant à l'improviste. À l'hôtel de ville, nul ne put renseigner Chausserouge. Baldini y était inconnu, et personne n'était venu demander une permission de séjour, ni un emplacement pour la ménagerie. On parut même assez mal disposé pour ces étrangers, à la déconvenue desquels on n'ajoutait aucune créance. Toutefois on consentit, bien que d'assez mauvaise grâce, à les laisser stationner sur un des cours éloignés de la ville. Chausserouge revint désespéré, la rage au cœur. Jean Tabary avait eu raison de se méfier. Ses prévisions ne l'avaient pas trompé. Il avait flairé dans Baldini un aventurier, un filou adroit, préparant de longue main ses escroqueries, sachant amadouer ses dupes. Pourquoi n'avait-il pas pris, lui, Chausserouge, ses précautions, comme si souvent Jean l'avait invité à le faire? Par quel aveuglement avait-il donc été frappé pour ne rien voir, pour n'avoir pas eu une minute de doute? Aussi, il était maintenant en pays étranger, réduit à ses propres ressources, ayant perdu le bénéfice d'un mois de triomphe où il avait réalisé les plus grosses recettes de sa vie. Si maintenant ce succès allait l'abandonner, il allait se trouver dans l'obligation de dépenser tout ce qui lui restait, ou à peu près, de la somme prêtée par Vermieux, et uniquement pour se rapatrier. « Tu vois, » dit Tabary avec un sourire forcé, « tu vois si je m'étais trompé. Ton Baldini, eh bien, nous voilà propres maintenant. » « Si je le tenais, hurla Chausserouge, je le fouterais à bouffer à mes bêtes. »« Sais-tu ce que ça fait ?» continua Tabary. « C'est 25 000 francs tout net qu'il nous emporte, tout simplement. Il paraît que ça t'amuse de travailler pour les autres. »« Tiens, tais-toi, tais-toi, » dit le dompteur, en cassant en deux d'un mouvement nerveux la canne qu'il tenait à la main. « Mais maintenant, qu'allons-nous faire ? Puisque tu es si fort, donne-moi un conseil. Je le suivrai aujourd'hui. »« C'est un peu tard, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. » Puisque nous sommes ici, mais avis qu'il faut en profiter. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Tu vas d'abord aller déposer la plainte chez le procureur du roi, écrire à celui de Turin. Moi, pendant ce temps-là, je vais réparer le temps perdu, installer la ménagerie et commencer le potin dans les journaux. Cette fois-ci, il n'y aura pas de Baldini et la galette sera bien à nous. Séance tenante, et pendant que Chausserouge courait au tribunal, Tabary se mit à l'œuvre. Mais il se heurta à des difficultés qu'il ne soupçonnait même pas. Son ignorance de la langue italienne lui rendait extrêmement difficiles les relations avec les gens qu'il était obligé de voir, avec lesquels il lui fallait traiter. Autant la population, la presse, la municipalité, bien préparée, chauffée à blanc par un compatriote, s'était montrée sympathique à Turin, autant elle manifestait de méfiance et de mauvaise volonté à Milan. On eût dit que brusquement le charme s'était rompu. Toutefois, il parvint tant bien que mal à organiser une série de représentations, mais le dompteur ne trouva plus ce public chaud devant lequel il avait fait débuter sa petite fille. Il fut au contraire accueilli avec une sorte de prévention. Des applaudissements maigres récompensèrent mal ses efforts, et les exercices de Zézette, accomplis pourtant par la petite fille, avec la même maestria, excitèrent plus de pitié que d'enthousiasme. On s'indigna contre la barbarie de ce père, qui contraignait une enfant si jeune à ceindre la ragrafe traditionnelle et à affronter sans défense des animaux aussi redoutables. Des journaux se firent les interprètes de la pensée publique, en s'élevant contre ce spectacle, qu'ils qualifiaient d'exhibition malsaine et attentatoire à la morale. Ils firent appel à la conscience des magistrats de la ville, les invitant à ne pas tolérer plus longtemps que des saltimbanques étrangers donnassent l'exemple d'un semblable scandale. À la suite de cette campagne, dont se ressentirent les recettes, un commissaire délégué par le parquet vint faire une descente dans la ménagerie accompagné d'un médecin. Après s'être fait représenter les papiers du dompteur et s'être assuré que l'installation de la ménagerie était telle qu'il ne pouvait, en cas d'alerte ou de négligence, en résulter aucun danger pour les spectateurs, il interrogea longuement Zézette. Il avait plein pouvoir au cas où la moindre infraction au règlement de police en vigueur dans le pays serait constatée, pour interdire impitoyablement toute représentation. Mais il dut s'en retourner comme il était venu. outre qu'il ne put relever aucune contravention, des réponses de la petite fille le convainquirent que non seulement il n'était exercé à son égard aucun sévice, mais qu'au contraire l'empêchement qui pouvait lui être notifié de paraître dans les cages serait pour elle la plus dure des privations. « Mais monsieur, moi, j'aime mes bêtes, et mes bêtes m'adorent. Papa me permet de les faire travailler sous ses yeux, parce que j'ai été très sage, et que je l'ai mérité par mon application. Demandez-lui. Oh non, dites, n'est-ce pas, vous ne voulez pas m'empêcher de continuer ?» Et comme le fonctionnaire, très étonné, ne répondait pas, elle fondit en larmes. « Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce n'est pas vous qui entrez dans les cages. » Puis se réfugiant dans les bras de son père, qui avait assisté à cet interrogatoire, « Mais explique donc, papa, qu'il n'y a pas de danger. » L'autorisation fut maintenue, mais il demeura évident qu'on n'attendait qu'une occasion propice pour la retirer. Une circonstance sans importance, mais qui eût pu avoir des conséquences graves, ne tarda pas à la fournir. Un soir, c'était à la cinquième soirée, Cézette était en train de faire manœuvrer les lionnes. L'une d'elles, Saïda, montrait une indocilité qui ne lui était pas habituelle. Tapie dans un angle de la cage, elle refusait d'obéir. Zézette voulait approcher, mais son père l'arrêta. « Je veux qu'elle saute !» cria la petite en tapant du pied. « Donne ton fouet, papa !» Le père se fit immédiatement passer une petite fourche pour se tenir prêt à parer tout accident. Et il marcha à côté de l'enfant qui s'avançait, le fouet levé vers la bête. À ce moment, Saïda, entraînée par l'exemple de sa compagne, qui obéissait, bondit à son tour. Mais dans son élan, elle renversa la petite fille, qui avait fait imprudemment un pas en avant au moment même où la bête s'enlevait. Rapidement, Chausse-Rouge fit volte-face, la fourche en arrêt, pour tenir en respect la lionne et l'empêcher de revenir à la charge. Déjà, Zézette s'était relevée. Mais dans sa chute, son front avait rencontré l'angle d'un des tabourets sur lesquels était juchée la grandeur, et un mince filet de sang coulait le long de ses narines. « La porte !» cria le dompteur, incertain si son enfant n'avait pas reçu une blessure plus grave, un coup de griffe peut-être. Jean Tabary tira le portant. Les deux lionnes bondirent hors de la cage centrale, et le dompteur ayant salué, ainsi que Zézette restée souriante, malgré la douleur, sortit, entraînant sa fille. « Tu es blessée ? Où te sens-tu mal ? » demanda-t-il d'une voix altérée. Maintenant que le danger était passé, il tremblait de tous ses membres. « Mais je n'ai rien, je me suis cogné le front simplement, » fit stoïquement la gamine. « C'est ma faute, je n'avais qu'à faire attention. » Puis remarquant que par hasard sa mère était absente, « Heureusement que maman n'est pas là. Elle m'aurait cru morte. » Un docteur qui se trouvait dans l'assistance vint offrir ses services. Il bassina avec de l'eau froide le front de l'enfant, y appliqua une compresse. « Ce ne sera rien, dit-il, une contusion. Plus de peur que de mal, heureusement. » « Mais monsieur, riposta Zézette, je n'ai pas même eu peur. » Cependant, la foule inattentive désormais aux nouveaux exercices restait dans la ménagerie, toujours sous le coup de l'émotion que ce commencement de drame avait fait éprouver. La petite Zézette était-elle blessée grièvement? Qu'était-il résulté de l'accident? Il n'y avait qu'un moyen de rassurer les spectateurs, c'était de faire reparaître Zézette. Le médecin remplaça la compresse par un morceau de diaquilum qu'il prit dans la pharmacie portative de la ménagerie, et l'enfant revint saluer le public. D'unanimes applaudissements accueillirent sa rentrée. Mais l'incident fit du bruit. Grossi par l'imagination des assistants, il prit des proportions inattendues, dont s'émurent les autorités. Dès le lendemain, on notifiait à Chausse-Rouge une interdiction en règle et l'ordre de quitter la ville au plus tôt. Cette mésaventure mit le comble au désastre provoqué par l'escroquerie de l'impresario et atterra Chausse-Rouge. Il fallut alors carrément avoir recours au fonds de réserve, à ce qui restait du prêt consenti par Vermieux. Jean Tabary fut le seul qui conserva dans cette débâcle un peu de sang-froid. « Eh bien, voilà tout, c'est la guigne. Une première imprudence en amène fatalement une autre. Après t'être confié ridiculement à cet Italien de malheur, tu t'es laissé griser par ton succès à Turin. Tu n'as même pas pensé à demander des garanties avant de partir pour Milan. Ici, tu t'es trouvé le bec dans l'eau. Avoue que c'est pain béni. Puis nous avons eu la déveine de tomber sur des gens à cerveau étroit, qui n'avaient qu'un désir, nous être désagréables. Nous avons écopé. C'était dans l'ordre des choses. Quant à moi, on ne m'ôtera jamais de l'idée que nous devons cette hostilité à la jalousie des dompteurs italiens, à qui, si nous avions réussi une seconde fois, nous enlevions le pain de la bouche. Et maintenant, que nous faut-il faire? Nous sommes à 50 lieues de la frontière. Ça va nous coûter les yeux de la tête pour nous rapatrier. Si nous faisions des démarches pour obtenir la levée de l'interdiction? C'est inutile, nous ne l'obtiendrons pas. À présent, l'Italie est brûlée. Nous n'avons plus qu'une ressource, revenir comme nous pourrons et par les voies les plus rapides. Une fois en France, nous verrons à nous débrouiller. Nous les avons trop vus pour notre malheur, ces sales macaronis. » Pourtant, c'est chez eux que Perdel a obtenu ses plus grands succès, la consécration définitive de sa renommée. On l'a décoré en grande pompe de l'ordre national du pays. On peut dire qu'il y a fait sa fortune. Il n'y a pas à discuter, Perdel a eu la chance, et nous avons la guigne. Voilà qui est clair. Et toutes les réflexions que nous pourrions faire à ce sujet ne changeraient rien à la situation. Comme si toutes les déveines se fussent conjurées pour accabler le malheureux dompteur, une aggravation subite se manifesta dans l'état d'Amélie, une véritable rechute qui rendait bien difficile la continuation du voyage. Il y avait à peine une semaine qu'à marche forcée, la ménagerie avait repris le chemin de la France, et chacun de ces jours sans recette coûtait gros. Amélie fit preuve en cette occasion d'un courage et d'une abnégation admirable. « Qu'importe, dit-elle, ma santé et ma vie, le salut de l'établissement avant tout. » Et comme Chausserouge déclarait qu'il encourait plutôt la ruine totale que de laisser, faute de soins, l'état de sa femme empirer, elle reprit. « Nous n'avons pas les moyens de nous arrêter, après les pertes que nous venons de subir. Me laisser en route pour me faire soigner dans un hôpital, je n'y consentirai jamais. Je suis né sur le voyage. C'est sur le voyage que je mourrai. Donc pas d'hésitation, marchons. Une fois de retour à Paris, je verrai à réparer les forces perdues, à moins que d'ici là je n'ai succombé. Mais au moins, en mourant, j'aurai la consolation de me dire que j'aurai lutté jusqu'au bout. C'est ma volonté. » Il fallut obéir aux vœux de la moribonde. Ce fut dans une situation d'esprit bien triste et en proie à un réel découragement que Chausserouge atteignit la frontière française. Il poussa ce jour-là un soupir de soulagement, comme si le sol de la patrie qu'il foulait de nouveau lui eût communiqué une nouvelle force. Il était à présent en pays ami. Il n'avait plus à redouter les préventions qui accueillaient à l'étranger toute exhibition d'origine française. À Grenoble, où il fit son premier séjour, il organisa des représentations, espérant faire des recettes, qui lui permettraient aussi de payer les derniers billets souscrits, lesquels avaient dû être retournés impayés à l'usurier. Car c'était là un souci de plus ajouté à tous ceux qui le torturaient déjà. Quel accueil lui réservait l'ancien forain? Ne fallait-il pas s'attendre à ce que ses demandes de renouvellement fussent repoussées? Vermieux avait bien pris ses précautions. Il était armé contre lui et il pouvait à son gré lui causer, dès son retour, des embarras terribles, ou lui faire de nouvelles conditions, telles qu'elles le mettraient complètement dans sa main. Heureusement, il rentrait en France avec un numéro inédit à sensation, et dont il avait expérimenté à Turin l'excellence. Il allait faire pâlir avec le début nouveau de Zézette l'étoile de ses concurrents. Il savait par expérience combien la vogue, même passagère, vous recale rapidement un homme. Il ne prévoyait pas que le bruit de son affaire fût parvenu jusqu'à Grenoble, et qu'il pût avoir à se heurter de nouveau à des chicanes administratives. Ce fut cependant ce qui lui arriva. L'autorisation de séjour lui fut accordée sans difficulté, mais quand il présenta au visa son programme, on biffa au crayon rouge le numéro sur lequel il comptait tant. Comme il s'étonnait et demandait des explications, l'employé de préfecture auquel il s'adressait se retrancha derrière l'article de la loi sur le travail des enfants, qui défend d'employer dans des exercices dangereux des enfants au-dessous de 15 ans. Il eut beau arguer que sur tout le voyage, dans les troupes d'acrobates ou au théâtre, on utilisait des enfants très jeunes. Il lui fut répondu qu'il était loisible aux municipalités de fermer les yeux ou de montrer une certaine tolérance, à leurs risques et périls, mais que dans le cas spécial, le maire et le préfet, d'un commun accord, se refusaient absolument à laisser paraître en public, dans une cage de lion, une enfant de 9 ans, que déjà à Milan, pareille interdiction avait été faite, à laquelle il avait dû se soumettre à la suite d'un accident, et que dans ces conditions, l'administration ne pouvait encourir une responsabilité aussi grave. « Allons, pensa Chausserouge, c'est décidément une série à la noire. » Passer outre, il n'y fallait pas songer. Mieux valait se résigner. Il donna donc des représentations où Zézette ne parut, à son grand désespoir, qu'en parade et dans ses exercices les plus anodins, avec l'oustique et l'éléphant moquard. De ville en ville, les mêmes embarras se répétaient. À plusieurs reprises, la santé d'Amélie nécessita des arrêts dans des bourgades infimes qu'il eût fallu brûler, car les frais d'installation n'eussent pas été couverts par la recette. Et cependant, il fallait chaque jour assurer la subsistance des animaux, payer le personnel, subvenir aux dépenses de toutes sortes. Dans une grande ville du centre de la France, il eut enfin le secret de la difficulté qu'il éprouvait à obtenir, depuis son départ de Milan, l'autorisation de s'installer. l'histoire du pseudo-accident survenu à Zézette, grossi démesurément par la presse locale, avait été reprise par les journaux français, et nulle part on ne voulait assumer de responsabilité. Il était arrivé à Nevers un matin, et il avait été sollicité la permission d'ouvrir au public sa ménagerie. Il ne reçut d'abord aucune réponse positive, mais l'indiscrétion d'un employé de l'hôtel de ville, lui ayant fait connaître que le maire tenait à s'assurer par lui-même qu'il ne pouvait résulter de son exhibition dans les cages aucune espèce de danger, il donna l'ordre de surveiller l'arrivée du magistrat. À 2 heures, le maire se présenta et demanda Chausserouge. On l'introduisit dans la ménagerie et il trouva le dompteur dans la cage de Néron, debout sur la tête de l'animal, qui lui servait d'escabeau, et s'occupant à clouer une tenture. « Voilà la réponse à votre objection, monsieur le maire, » dit Chausserouge, quand le magistrat lui eut fait connaître l'objet de sa visite. « Néron est mon plus dangereux pensionnaire. Allons, lève-toi, mon vieux, » dit-il en descendant et en flattant de la main le mufle du fauve. Le soir même, il pouvait donner sa première représentation. Néanmoins, et en dépit de ses efforts, quand la ménagerie atteignit enfin Paris, Chausserouge, à bout d'expédient, avait épuisé son fonds de réserve. Pour vivre et éteindre son passif, il était désormais réduit aux seules ressources que comportait son travail. Il retrouva Louise Tabary, vieillie, enlaidie et rendue acariâtre par son persistant insuccès. Si de son côté elle n'avait pas mangé complètement l'argent qui lui avait servi à remonter son établissement, elle était dans l'absolue impossibilité de le rendre. Il était nécessaire au fonctionnement de l'entresort qu'il eût fallu réaliser pour restituer en partie la somme que lui avait laissée le dompteur. Du reste, sur le voyage, personne n'avait fait de bonnes affaires, et il n'était de bruit que des exécutions de Vermieux, rendues impitoyables par la gêne générale, qui empêchait ses débiteurs de tenir leurs engagements. Dès lors, Chausserouge connut tous les déboires et toutes les amertumes de la pire des misères, la misère en caravane. Aussitôt après son arrivée, Vermieux s'était présenté non plus en bonhomme heureux de se sacrifier pour être utile à son semblable, mais en créancier, à qui on a fait tort et qui tient à sauvegarder ses intérêts. Il n'avait trop rien dit tant que Chausserouge, absent, avait échappé, par son éloignement même, à toute action judiciaire. Mais maintenant qu'il l'avait sous la main, il fit valoir ses droits avec la dernière énergie. Pour donner au dompteur le temps de se refaire, il consentit à proroguer les séances des prochains billets, mais à la condition que tous ceux échus seraient payés immédiatement. Et Chausserouge dut se résigner à la vente de quelques-uns de ses pensionnaires. Mocquart fut le premier animal dont il se sépara. Mocquart, pour l'achat duquel il avait reçu jadis des propositions d'un de ses collègues. Le dompteur n'en tira pas le prix qu'il en espérait, mais il put néanmoins, grâce à ce sacrifice, apaiser l'usurier et obtenir du répit. Ce fut un deuil pour tous, et surtout pour Zézette, qui perdait son grand ami. Mais elle comprit à quelle nécessité son père obéissait, et elle dut se taire pour ne pas augmenter le chagrin de François. « Que veux-tu, ma pauvre Zézette ? Nous sommes maintenant trop pauvres pour conserver Mocquart. Et puis il faut bien soigner maman, » dit Chausserouge à sa fille, « le jour où il donna livraison de l'éléphant. » « Bah, nous avons toujours Loustic, la grandeur et tous les autres. Quand tu seras plus grande, que de nouveau on te permettra de travailler, nous gagnerons encore beaucoup d'argent, tu verras. » « Et nous le rachèterons, » dit papa. « Oui, ma fille, je te le promets. » En effet, Amélie, que les fatigues du voyage avaient exténuées, contribuait pour une large part à augmenter les dépenses ordinaires de l'établissement. Elle était si malade à son arrivée qu'il avait fallu la transporter à l'hospice du Bois. Là, les bons soins l'avaient remise sur pied. Et l'avait insisté pour ne pas prolonger dans la maison de santé un séjour coûteux. Mais de continuelles rechutes mettaient périodiquement sa vie en danger. Le coffre est usé, la phtisie accomplit lentement, mais sûrement son œuvre, avait déclaré le médecin à Chausserouge. Tout ce que la science peut faire maintenant, c'est d'alléger les souffrances de votre femme, qui est perdue irrémédiablement. Je tiens, avait répondu le dompteur, à ce que vous ne négligiez rien. Je veux n'avoir rien à me reprocher. On eût dit qu'il voulait faire oublier à la malade, par les soins dont il l'entourait, toutes les amertumes dont il l'avait abreuvée. Sous le coup de tant de préoccupations et d'ennuis de toutes sortes, sa passion pour Louise Tabary avait reçu une rude atteinte, et s'il avait renoué avec elle, du moins depuis son retour, il apportait dans ses relations une discrétion à laquelle il n'avait pas accoutumé sa femme. Amélie, elle, avait tout oublié, et ne voulait rien voir. Elle se rendait compte de son état, et elle ne retenait que les preuves d'affection que son mari ne cessait de lui prodiguer. Elle savait la gêne dans laquelle il se débattait, les privations qu'il s'imposait pour faire face à toutes ses obligations, et elle admirait trop ce dévouement pour lui tenir rigueur, et lui reprochait ses faiblesses. Cette existence pénible au jour le jour se prolongea des mois, sans qu'aucune amélioration se produisît, sans que Chausserouge pût concevoir dans un avenir même éloigné l'espérance de relever ses affaires. Ses aides grandissaient et prenaient de l'âge. Elle restait l'unique et dernière consolation de la moribonde. Bien que ne pouvant être d'aucune utilité, puisque le dompteur s'était vu refuser par la préfecture l'autorisation de la faire paraître, elle travaillait sous l'œil de son père, acquérant tous les jours une expérience et une hardiesse nouvelles. Elle était raisonnable comme une grande personne, ne montrait aucun des caprices des enfants de son âge, et sa vocation, depuis qu'elle avait débuté, s'était affirmée. « N'aie pas peur, va, maman, disait-elle à Amélie, durant les longues heures qu'elle passait à la veillée. Je serai vous récompenser tous les deux de toutes vos peines. Quand je serai plus grande, je me charge de vous faire oublier vos chagrins d'aujourd'hui. Nous reviendrons riches. Tu verras et tu seras fière de ta fille. Quand tu seras plus grande, je serai morte, et je ne pourrai te voir, ma chère petite, répondait la pauvre mère avec un sourire douloureux. Il ne faut pas dire cela, c'est mal. Nous te soignerons si bien, papa et moi, que tu reviendras à la santé. Je ne veux pas, entends-tu, t'entendre dire de ces vilaines choses. » Mais Amélie secouait la tête. « À l'automne, tu n'auras plus de petite mère. Promets-moi alors de rester bien sage, et en souvenir de moi de rendre heureux ton père. Il ne faut pas qu'il ait jamais à se plaindre de toi. » Amélie avait en effet le pressentiment de sa fin prochaine. Il vint un moment où les alternatives de mieux, qui venaient à chaque instant rendre à Chausserouge une lueur d'espoir, cessèrent tout à fait. La malade maigrissait à vue d'œil, sentant de jour en jour ses forces décroître. Bientôt son affaiblissement devint tel qu'elle ne dut plus songer à se lever, et d'heure en heure le dompteur et sa petite fille redoutaient une issue fatale. Des crises abominables secouaient la mourante, et la laissaient froide et quasi inanimée des heures durant. Quand elle revenait à elle, elle promenait autour de son lit un regard éteint, comme si elle fût étonnée, elle-même, de revoir le jour. Elle prenait alors doucement la main de sa petite fille, et « Ce sera pour la prochaine fois, » murmurait-elle, d'une voix à peine perceptible. Pourtant, un jour, que les rayons du soleil d'automne filtraient à travers la petite fenêtre de la caravane, elle se sentit plus forte, plus désireuse de vivre que jamais. « J'ai faim, » dit-elle, « et j'aurai envie de manger un fruit, une poire ou un raisin. » Zézette se leva et présenta une superbe grappe à sa mère, qui commença à manger avec avidité. « Comme c'est bon, » dit-elle, « comme c'est frais. Ça fait du bien où ça passe. » Ça éteint l'incendie que je sens là-dedans. Mais dès qu'elle eut fini, une oppression la saisit, suivie d'une quinte de toux terrible. « Oh mon Dieu, que je souffre! Cela me déchire la poitrine !» On manda le médecin qui examina la malade. Puis il dit à Chausserouge à part. « Armez-vous de courage, dit-il, c'est fini. Elle ne passera pas la journée. » Lut-elle l'arrêt qui venait d'être prononcé sur le visage de son mari, ou bien sentit-elle la mort étendre ses voiles sur elle? Toujours est-il qu'Amélie comprit que son heure était venue. Elle fit venir sa petite fille, François, les deux seuls êtres qu'elle aima au monde, et les regarda longuement, comme si elle eût voulu fixer à jamais leur image dans sa mémoire. Des larmes jaillirent enfin de ses yeux. Elle attira sa fille à elle. Elle l'embrassa, puis d'une voix pareille à un souffle. « Aime-la bien, dit-elle à Chausserouge, soigne-la bien. Et toi, mon enfant, ajouta-t-elle en s'adressant à la petite fille, sois le bon ange de ton père. Console-le dans ses peines, que j'ai au moins en m'en allant, la pensée que quelqu'un veille et me remplace auprès de lui. Adieu. » Elle ferma les yeux, tourna la tête, ses doigts se détendirent, et elle fut prise d'un hoquet qui s'affaiblit graduellement. À 5 heures du soir, tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, Amélie Collinet s'éteignit doucement, après une agonie de 2 heures. Bien que ce fût là un dénouement prévu, attendu depuis longtemps, Chausserouge ressentit une douleur profonde. Par le vide qu'il se sentit tout à coup au fond du cœur, il comprit quelle grande place, malgré le rôle effacé que paraissait jouer la jeune femme, Amélie tenait dans son existence. C'était au fond son égoïsme d'homme faible qui se révoltait. Ce qu'il perdait aujourd'hui, c'était la compagne fidèle qui trouvait toujours une parole d'encouragement après chacun de ses malheurs, qui s'était toujours efforcée de lui rendre facile et aimable la vie commune, en lui épargnant 1000 soucis. Maintenant qu'il allait être réduit à ses propres forces, seul pour penser à tout, même aux détails intimes de la vie de forain, puisque Zézette, qui atteignait à peine sa 12e année, était trop jeune pour qu'il pût s'en remettre complètement à elle, la caravane allait lui sembler bien grande, et il allait comprendre seulement l'étendue de sa perte. Repassant ensuite dans sa mémoire la conduite qu'il avait tenue, depuis son mariage, il se demanda comment il avait pu infliger à une créature si douce si dévoué à un pareil martyr. Il se souvint avec horreur de ce jour où il avait osé lever la main sur elle, là-bas sur cette esplanade des Invalides, où elle avait en plein hiver passé des heures à l'attendre. N'était-ce pas là qu'elle avait pris les germes du mal qu'il l'emportait aujourd'hui? Ainsi, il était la cause de cette mort, qui venait mettre le comble à tous les malheurs qui fondaient sur lui sans relâche. Certes, elle le lui avait répété bien souvent. Durant le cours de sa longue maladie, elle lui pardonnait ses faiblesses, ses brutalités. Mais en bonne conscience, avait-il fait assez pour mériter ce pardon? Il fut distrait de ses tardifs remords, de ses réflexions sombres auxquelles il se laissait aller, en face de ce lit où reposait la pauvre Amélie, dont il avait pieusement fermé les yeux par l'arrivée de Zézette. La petite fille avait les yeux rouges, mais elle s'était cachée pour pleurer. Par un effort de volonté, elle était parvenue à recouvrer un peu de calme. Et se souvenant de la promesse qu'elle avait faite à sa mère, elle venait consoler François Chausserouge. Il l'assit sur ses genoux, appuya contre son épaule la tête de l'enfant, et longtemps confondus dans une muette douleur, le père et la fille restèrent embrassés. Dès que le bruit de la mort d'Amélie se fut répandu sur le voyage, Jean Tabary, après avoir rendu ses devoirs à la morte, ainsi que tout le personnel de la ménagerie, courut prévenir sa mère. Quelle conduite allait-on avoir à tenir désormais? Depuis longtemps, Louise avait louvoyé, fait des concessions pour ne pas paraître entrée en lutte avec la femme légitime, dont elle avait prévu la fin prochaine. En agissant ainsi, elle avait réussi à faire taire les derniers scrupules de François Chausserouge, avec la faiblesse duquel il avait fallu compter. Mais maintenant que la mort avait fait son œuvre, maintenant qu'elle avait déblayé la route, la Tabary n'avait plus à redouter l'influence hostile. C'était à elle de regagner le terrain perdu. Louise Tabary avait réfléchi depuis longtemps à l'éventualité qui se présentait aujourd'hui. Aussi avait-elle un nouveau plan de campagne tout dressé. « Maintenant, dit-elle, nous n'avons plus qu'à marcher. Chausserouge est à nous. Nous devenons ses amis uniques, ses seuls conseillers. Il s'agit simplement, et cela c'est facile, et je m'en charge, de ne laisser prendre à personne la place que nous occupons. Une fois maître de la place, la ménagerie marchera, je t'en réponds. Tu sais que je m'y entends. Mais moi, que dois-je faire? Que dois-je dire? Rien, règle ta conduite sur la mienne. Ne crains rien, je suis de bon conseil. » Elle s'habilla et se rendit à la ménagerie. « Eh bien, mon pauvre ami, c'est fini, » dit-elle en tendant la main au dompteur. Chausserouge accablé lui montra sans répondre la couche mortuaire. « Je suis venu, » continua Louise, d'un ton hypocritement pitoyable, « pour t'offrir mes services. C'est dans ces occasions qu'on reconnaît ses amis. »« Merci, » balbutia François. « Eh bien, va-t'en, occupe-toi des derniers devoirs à rendre à la défunte. » Puis, remarquant Zézette qui pleurait silencieusement dans un coin, « Cher enfant, » dit-elle en l'attirant à elle, « ne pleure pas, nous aurons soin de toi. » Mais la petite fille, comme si elle eut conscience d'avoir affaire à une ennemie, se recula instinctivement en balbutiant « Laissez-moi, madame !» Les obsèques eurent lieu le lendemain.